Quatrième partie, chapitre 9, deuxième section, ministre, cérémonie et disposition. Quels sont les ministres de ce sacrement? Les ministres de ce sacrement sont les époux eux-mêmes qui, réciproquement, se confèrent et reçoivent le sacrement. Comment est administré ce sacrement? Ce sacrement, conservant la nature du contrat, est administré par les époux eux-mêmes, déclarant, en présence de leur curé ou de son délégué et de deux témoins, qu'ils s'unissent par le mariage. À quoi sert donc la bénédiction que le curé donne aux époux? La bénédiction que le curé donne aux époux n'est pas nécessaire pour constituer le sacrement, mais elle est donnée pour sanctionner au nom de l'Église leur union et pour appeler toujours davantage sur eux la bénédiction de Dieu. Quelle intention doit avoir celui qui contracte mariage? Celui qui contracte mariage doit avoir l'intention, premièrement, de faire la volonté de Dieu qui l'appelle à cet état. Deuxièmement, d'opérer dans le mariage le salut de son âme. Troisièmement, d'élever chrétiennement ses enfants si Dieu lui donne d'en avoir. Comment les époux doivent-ils se disposer pour recevoir avec fruit le sacrement du mariage? Les époux, pour recevoir avec fruit le sacrement du mariage, doivent, premièrement, se recommander à Dieu du fond du cœur pour connaître sa volonté et obtenir de lui les grâces qui sont nécessaires dans cet état. Deuxièmement, avant de se fiancer, consulter leurs parents, comme l'exigent l'obéissance et le respect qui leur sont dus. Troisièmement, se préparer par une bonne confession, et même s'il le faut, par une confession générale de toute leur vie. Quatrièmement, éviter dans leurs rapports toute familiarité dangereuse d'actes ou de paroles. Quelles sont les principales obligations des personnes unies par le mariage? Les personnes unies par le mariage doivent, premièrement, garder inviolablement la fidélité conjugale et se comporter toujours chrétiennement en toutes choses. Deuxièmement, s'aimer l'un l'autre en se supportant mutuellement et vivre dans la paix et la concorde. Troisièmement, s'ils ont des enfants, pensez sérieusement à les pourvoir selon le besoin, leur donner une éducation chrétienne et leur laisser la liberté de choisir l'état auquel ils sont appelés de Dieu.